semble annoncer un jour caresseur. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait sombrer le pire. Et au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Et à midi, dans les nuits de la terre, sans oublier le céleste séjour, trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, en son bienfait de ton céleste ami. Cherche à l'instant sa divine présence, c'est sans son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours, veille toujours en tout lieu, à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans l'enceinte des mœurs, alors que les sombres nuages se réunissent. Alors que les sombres nuages se réunissent, Père, pour faire pleuvoir du charbon de feu, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu aies un regard favorable sur nos vies et que tu daignes pardonner nos iniquités. Seigneur, place toi-même une marque sur tes enfants pour la protection. Donne-nous, ô Dieu de gloire, à ne point trembler lorsque tu exerces tes jugements, car tes jugements s'exercent sur les nations, Père, pour appeler à la repentance tous ceux qui doivent venir à toi. Seigneur, nous soumettons nos cœurs encore ce soir entre tes mains. Nous soumettons notre âme entre tes mains. Soumettons notre pensée entre tes mains. Afin que toi seul tu exerces, ô Dieu de gloire, ta justice sur nos vies. Merci pour la grâce que tu nous accordes de nous réunir encore ici aujourd'hui. Merci pour ce sang précieux du Seigneur Jésus-Christ qui parle encore jusqu'aujourd'hui à notre faveur. Merci Père de gloire parce que il est assis à la droite de la majesté divine et il intercède encore pour nous. Afin que nous devenions, ô Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, des sacrifices de bonne odeur pour toi. Donne-nous de vivre une vie conséquente par rapport à ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Que ton nom se soit élevé dans les cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chacun de nos familles ici, chacune de nos familles. Je prie Dieu de gloire pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Pour tous ceux qui passent par des difficultés. Pour tous ceux d'ici, ô Dieu de gloire, qui se voient dans les feux des épreuves chaque jour. Je prie Père que tu aies un regard favorable et que tu étends ta main de grâce dans leur vie. Je prie au Seigneur Dieu de gloire que tu pourvoies à tous leurs besoins comme tu le fais toujours. Ils dorment sous ta grâce, ils se réveillent sous ta grâce et tu les conduis sous ta grâce. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Donne à tous ceux dont le genou fléchissait de part et d'autre d'être droit et marcher sur le chemin merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je prie pour tous ceux qui nous entendent partout dans le monde entier, Père, que tu regardes quelqu'un et que tu pourvoies leurs besoins. Donne à ceux qui te cherchent particulièrement, Père, de gloire, de te trouver à cette heure, cette sombre heure où les gens te cherchent de tout leur cœur. Tu as promis au Dieu de gloire que tu te laisseras trouver par ceux qui te cherchent. Seigneur, tu n'es pas une source trompeuse. Tu es la source d'eau où on veut puiser l'eau de vie. Accorde l'eau de vie, Seigneur, à tes enfants. Que ton nom soit élevé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Chacune des personnes ici, c'est-à-dire que vous vous asseyez, vous ne vous êtes pas vu depuis. Vous êtes salué, non? Bonsoir. Bonsoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Vous continuez à prier pour le Cameroun, n'est-ce pas? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré, donc? Oui, frère. Bon, frère, moi particulièrement, dans les sons que je fais, je me retrouve tantôt dans un champ. Dans un champ, bon, étant dans ce champ, c'est comme s'il y a un événement qui s'est passé. Et puis les gens se sont enfuis. Et puis je me retrouvais dans ce champ. Et à un moment donné, j'ai vu, j'étais comme en pleine cachette. Mais je voyais les militaires versés dans le champ. Bon, dans mon esprit, je recevais que ces militaires-là étaient des nôtres. En fait, qui étaient là pour combattre contre l'adversaire qui venait. Bon, l'adversaire aussi était habillé en... Donc, avait aussi ces mêmes tenues que les militaires avaient. Donc, à un moment donné, c'est comme si ces militaires qui étaient des nôtres, ils allaient en confrontation contre les militaires du camp adverse. De telle sorte que, bon, c'est comme s'il y avait une certaine confusion. Ils ne parvenaient pas à distinguer qui était réellement ceux des autres camps. Donc, c'est en fait ça que. Dans le même mot, il y avait la confusion. Oui, qui d'autre? Moi, donc, j'avais qui avait parlé de ça à l'Assemblée là-bas. Bon, c'était aussi un songe où ça s'est passé un peu en trois temps. Mais tout à l'heure, j'avais seulement fait le même songe. C'était un peu comme ça part. Est-ce que tu as parlé comme ça? Je vais s'asseoir. Prends la chaise, je t'assois là devant. Assieds-toi bien. Voilà. Tu es un prince, n'est-ce pas? Je vais faire comme ça, vous asseyez bien. Voilà. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas, monsieur? C'était un peu le même songe qu'on voulait. Bon. Bon, et quand il dit même songe, c'est que pour moi, on était dans la maison avec un peu comme dans un lieu aussi, c'était désert parce que tout était un peu comme si c'était dévasté. Et je me retrouvais à la maison avec les membres de ma famille où on vivait un peu d'une façon cachée. Un peu comme si quelqu'un sortait, on devait soit tirer sur lui, soit on devait le tuer. Et là, comme ça, j'essayais de faire comprendre aux membres de la famille que nous sortions parce qu'ils sortaient, il y a les soldats, parce que là, on parlait de Boko Haram, c'était le monde n'était pas caché, c'était Boko Haram. Et il y avait comme ça les soldats de Boko Haram qui entraient dans chaque maison pour essayer de tromper les personnes, les amener dehors pour les tuer. Bon, comme ça, il y a un membre de Boko Haram. Bon, c'était le Boko Haram, mais quand il est arrivé, j'entendais les voix qui disaient que c'est un Boko Haram. Je ne sais pas comment ça se passait, mais j'étais là et je voyais comment ils essayaient de convaincre la famille. Ils sont sortis. Moi, ils disaient, ne partez pas. C'est comme ça qu'ils arrivent quelque part. Moi, je les suis, donc j'arrive. Je vois que les amis de un bateau et en fait, rien ne s'était passé. Rien ne s'était passé. J'ai soupiré. Je suis rentré. Là, j'ai sursauté, je me suis réveillé. Bon, maintenant, je me suis encore soupiré, je me suis endormi. Le deuxième rêve encore, c'était où j'étais toujours comme dans le désert. Avec maintenant cette fois-ci les cousins. Bon, ils étaient c'était les jeunes frères comme moi, mais pas les frères en Christ, les frères dans la chair. C'est comme ça qu'on vivait aussi. On était comme dans une grande maison, mais on a choisi un peu un endroit comme la cuisine pour se cacher. Donc on est dans la maison, mais on vit dans une toute petite pièce. On s'assurait que quand on entre, chaque fois on ferme les portes. Et il était dit que quelqu'un ne devait pas rentrer tard. À une certaine heure, le lieu était mauvais. On devait être mis comme ça caché. Et comme j'ai dit, le reste se passait comme ça, c'est les brefs parties que j'ai pu retenir. Donc, ça va se finir. Et on s'en sort cette nuit-là. qui d'autre a vu quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré concernant le pays? Vous priez, vous intercédez. Tout le monde vous priez. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? J'ai fait des songes. Mais est-ce qu'il va parler à haute voix? J'ai fait des songes. Mais je ne sais pas si c'est de côté du pays, par rapport au pays. Ça concerne, je ne sais pas si ça concerne le pays. Oui, je ne sais pas. Mais c'est plutôt, je suis en train de voir la dignité des gens. Et puis, c'est alors un dérange. Et dans ces songes même, on me pousse, c'est comme si peut-être on était en train de me bloquer, de me pousser à faire. Tu parles qui a la guerre au pays, toi tu fais ça l'amour. Donc lui fait l'amour seulement pendant qu'il y a la guerre. Dans les jours ce qui est resté pour le Cameroun, pour le prier encore davantage. Prier encore davantage. Pendant qu'il tendait, pendant que le frère William racontait ce qu'il a vu là, ça me surprend. Le président est venu pour le pont de Vouru, quelque chose là, pour inaugurer quelque chose là, en quelle année? Oui, il était en bordure de la mer. 2013, non, ça veut dire que ça me propre. Non, c'est pas celui-là. Il était allé à Boya pour quelque chose de cinquantenaire. C'est ça? Pour du cinquantenaire. En ce moment-là, j'ai eu un songe où je voyais les militaires dans la brousse, avec un autre militaire, qui s'habille de la même façon. J'avais dit. Dans un enseignement en cette année-là, il dit, comment se fait-il que quelqu'un qui porte la même tenue, il combat son frère? Et il dit que ça se passe, j'ai vu, il y a la verdure dans la barre, c'est dans le champ où ça se passe. Donc c'est pour ça que ça me faisait rappeler cela. Et dans un autre message, j'ai parlé de, il y a une nouvelle. Une nouvelle. Pas vrai? Il dit, il y a une nouvelle qu'on a en train d'attendre. Ça c'est une nouvelle qui va couper le souffle. D'autres personnes ne vont pas en revenir. D'autres personnes vont tomber, tout simplement. Oui, frère. Ouais, j'ai oublié un autre songe là. C'était tout comme ça. Bon, en fait, quand j'ai rêvé. Priez pour le Cameroun, même si vous êtes prié pour votre pays. Priez pour votre pays. Oui. La scène qui s'est passée m'a ressuscité une fois. Parce que dans le songe, les gens criaient. Donc il y a des voix qui criaient que le président arrivait dans le littoral. Et suite à son arrivée, il y a eu des accidents par-ci par-là. Au point où les gens criaient, dans la foule, j'entendais la voix qui, certaines voix qui disaient que tous ces meurtres-ci là, c'est à cause du fait que le président s'est déplacé. Et c'est comme ça que les gens sont en train d'être sacrifiés. Donc quand j'ai écouté ça, j'ai sursauté. Donc ce même jour-là, je me suis levé pour prier. Pour implorer davantage la miséricorde du Seigneur par rapport à la mission. Ouvrons Ézéchiel chapitre 9. Ézéchiel, priez pour votre pays. Quand vous aurez le temps, commencez à partir du chapitre 7, chapitre 8, d'accord? Quand vous aurez le temps, commencez à partir du chapitre 8, d'accord? Amen. Ézéchiel chapitre 8. Non, vous allez commencer au chapitre 8. Donc vous allez lire 8, 9, 10 et 11. Mais je vais prendre la partie du chapitre 8 au chapitre 9 et voir quelque chose qui est. On peut commencer. Chapitre 9 d'Ézéchiel. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles, approchez-vous qui devait châtier la ville. Chacun son instrument. Bon, je crois que il faut qu'on marque le chapitre 8. Je vous dis chapitre 9, c'est chaque fois, trois fois, il dit le chapitre 8. Donc, il faut qu'on commence au chapitre 8. Maintenant, verset 1. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Et là, quelqu'un qui se tient à la réunion comme ça. Les anciens sont venus s'asseoir devant lui, chez lui. Il dit, la main du Seigneur tomba sur moi. Donc, subitement, il sera enlevé pour aller dans les visions nocturnes. Enfin, dans les visions. Il va rentrer dans la vision. Alors qu'il est assis comme ça devant, il se promène, son esprit est loin à Jérusalem. En train de se promener. Alors qu'il est assis physiquement avec eux comme ça. Il dit, la main du Seigneur tomba sur moi. Écoutez bien. Verset 2. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il s'est tourné là, il a vu la chose devant de lui. Alors qu'il est assis. Vous comprenez pourquoi? Lorsque vous savez, il faut faire attention, n'est-ce pas? À tout moment, Dieu peut entrer en scène. À tout moment, Dieu peut entrer en scène. Il y a des gens qui sont assis, pendant qu'on est parlé, ils dorment. D'autres parents ont parlé, ils restent, on sait qu'est-ce qu'ils mangent après. D'autres disent, mon ange est assis. Alors, attention ici. Il étendit une forme de main. Donc, il a. C'est juste ton ouvert, il a vu cette forme-là. Il étendit une forme de main. Et il est saisi par les cheveux de la tête. Vous avez vu ça, frère? L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel, et me transportant dans des visions divines à Jérusalem. Vous avez vu cela? Je recommence encore. Verset 1 dit qu'il était à Juda. On l'a transporté dans des visions divines à Jérusalem. Donc, il est assis comme ça. Il a de voir exactement ce qui est en train de se dérouler. Parler des prophètes. Là, il n'est pas en train de dormir. Il dit que comme il était assis, regardez verset 1. La sixième année, le cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Donc, ils sont comme ça, comme vous êtes devant moi. Dieu est en train de nous transporter. Il dit que c'est ses cheveux. Donc, même son corps spirituel, les cheveux. Il a attendu ce qu'il y ait une forme de main, l'a enlevé, l'entra à Jérusalem. Nous sommes à Douala, c'est comme il t'attrape, il t'envoie à Douala, Yaoundé. Alors la question c'est comment il gère ce qui se trouve autour de lui. Ça c'est autre domaine de l'âme. Verset 3, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux et la tête, de la tête. L'esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem. À l'entrée de la porte intérieure du côté de septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel. Dieu a transporté, l'a mené vers la porte septentrionale où il dit que là-bas il y a une idole appelée l'idole de la jalousie. Ça excite la jalousie du Seigneur. Et dans Exode 20, il avait dit qu'il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Vous voyez ça? Donc, dans ce temple de Jérusalem se trouvait positionné quelque chose dont Dieu en avait en horreur. Mais les gens venaient faire culte là-bas sans s'en rendre compte qu'il y a un problème entre ça et Dieu. Dans nos villes, dans nos pays originaires, dans nos pays normaux, ce sont des monuments pour glorifier l'homme qu'on met. D'autres sont des monuments aux esprits. Et on inaugure cela de façon officielle en coupant des banderoles pour dire le pays est dedans. Les évêques de ces pays-ci, les évêques catholiques de ces pays sont réunis pour livrer le pays sous le contrôle de la reine du ciel. En disant que le Cameroun est pour la. C'est, vous appelez la mère des apôtres, comment ils appellent cette appellation-là? Que la mère de Jésus, c'est comment ils appellent? La mère, ils ont un nom qu'ils appellent. C'est la mère de Dieu, c'est la mère de l'église, reine des apôtres. Les apôtres n'ont pas de reine. C'est la sorcellerie. Ils disent que le Cameroun est entre la main de la reine des apôtres. Ils se réunissent en conclave. Ils portent des soutiens, font des certains sacrifices. Ils le font. Je vais vous amener quelque part pour vous montrer pourquoi Dieu doit choisir ce pays ici. Il dit qu'il a transporté à Jérusalem dans les visions divines, au septentrion, à la porte septentrionale, à l'entrée de la porte septentrionale. Il a vu là l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'éternel. Suivons le parler. Verset 4. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Vous entendez ça, frère? Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire? Vous avez les choses qui éloignent Dieu, non? L'idolâtrie. Et là maintenant, de façon moderne, on a plutôt ça dans le cœur. Là où Dieu est censé habiter. Dans le cœur. On aime tellement de choses. Si vous entendez quelqu'un dire que j'adore la sauce. C'est la sauce est devenue Dieu. Si tu aimes la nana, il dit j'adore la nana. Il adore la nana. La nana. Il dit que adorer, ça ne veut pas dire adorer. Adorer, vous avez dit adorer. Adorer, c'est le seul mot qui doit être appliqué uniquement en révérence à Dieu. C'est uniquement lui qui doit. C'est lui seul qui a ce mot-là. Donc si tu dis que ma chérie, je t'adore, c'est que la femme-là est ton Dieu. Vous entendez cela? Mais en France, dans les gens de l'expression anglaise, c'est terrible. Tu as vu ses yeux? Oui, j'adore tes yeux. Donc ses yeux sont devenus Dieu pour lui. Dieu dit ici que voici des grandes abominations qu'ils commettent en ce lieu pour que je m'éloigne. Et là, c'était l'idole de la jalousie qui était placée à l'entrée de l'hôtel du Septentrion. En plein carrefour, on construit des choses, on sort des monuments, des maquettes, on présente au public. Après qu'on va venir mettre le monument des francs-maçons en plein pays, dans le plein centre du pays. Dans le pays, on met des idoles de quelqu'un qui a la croix, avec Marie, cette femme, on a des femmes qu'on a trouvé Marie. Les gens viennent se prosterner. Quand on voit, on dit, ah, chacun est libre de faire le culte comme il veut. Dieu, lui, ne voit pas avec ses yeux-là. Dieu voit les hommes perdus, les hommes qu'il doit châtier, pour qu'ils rentrent en eux-mêmes, pour avoir la correction. Des choses qui se passent dans les champs, des choses qui sont enterrées dans les champs. Continuons la lecture ici. Il dit, verset 4, verset 6, verset 6 dit, « Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. » Donc, après l'idolâtrie, ça va passer à l'étape supérieure. « Alors, il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, « Fils de l'homme, perce la muraille. » J'ai percé la muraille et voici, il y avait une porte. Je pose une question. Ézéchiel qui parle se trouve où en ce moment-ci? Pendant qu'il a raconté l'histoire-ci. Il est assis là, vous allez voir. Le domaine spirituel est terrifiant, vrai, épatant. Vous restez tout ce moment-là, vous voyez la chose se dérouler. Vous restez là, en train de parler comme ça, comme si on ne parlait, mais vous voyez quelque chose se dérouler. Verset 8. Et il me dit, fils de l'homme, pèse, je crois que dans la liste là. Verset 9. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. On va appeler ça aujourd'hui les œuvres d'art du musée. C'est ce qu'on va appeler. Que les gens viennent visiter. Parce qu'on dit modernement, on va dire ça le musée. Waouh, on garde comme ça au Panthéon. Vous savez effectivement ce que vous dites Panthéon, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on dit Panthéon, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'on dit le mot Panthéon? Vous ne savez pas, allez chercher. Alors, vous voyez, le musée, les gens payent, viennent payer pour venir voir les idoles. On dit que non, là-bas, dans ce musée-là, il y a le reste de tout un canon là-dedans. C'était le fils du roi Pharaon d'Égypte qui était né de la dynastie des Ptolémées et autres. Il y a son cadavre là-bas. Qui a Ramsès II là-dedans. Les gens viennent payer l'argent pour venir voir, ils touchent. Ils coupent même le pied d'un momie pour partir avec. Et Dieu dit dans Lévitique chapitre 19, verset 6, verset 31, que si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer, il tournera sa face contre ce peuple. Donc il y a maintenant une organisation de péché moderne. Quelqu'un dit qu'il va voyager pour aller en Lourdes pour voir leur mari avait apparu dans les grottes. D'autres disent qu'il part en Simalé, il part dans quoi faire l'arbre. L'arbre est resté, sa part est venue. Sa marchand, c'était que cet esprit était venu tomber sur cet arbre-là. Avant que les corses ne sortent qu'on a attrapé. Si l'arbre parlait, c'est qu'elle devait casser une de ses branches, chicoter les gens en bas comme ça, que quitter sur moi. L'être humain. Ça tombe au Nigeria, dans un autre endroit, c'est des gens qui partent se laver dans la boue en disant que l'eau là, ça a le pouvoir pour guérir. Jamais se contaminer là-bas pour des maladies. Alors, on a foi à faire. Donc il dit, quand il a dit perce mur, il a dit perce. L'esprit lui a dit entre. Il a entré, il dit que tu vas voir des grandes abominations qui font en ce lieu. Quand il est entré, il était surpris. De voir que toute l'idolâtrie qu'on manifeste physiquement en plein jour se retrouve représentée. Je ne sais pas si vous saisissez ça. C'est-à-dire que dans cette maison-là, les dieux que les gens servent dehors, le fait que les gens pêchent dehors par idolâtrie, que Dieu, sur le plan humain, quand on va sortir en plein jour, vous allez marcher, vous allez dire à quelqu'un dit non, moi je ne crois pas que Dieu existe, voici mon Dieu. Quand tu pars dans cette maison-là, tu vois qu'on a représenté tous ces reptiles-là au mur. Et regardons encore cela. Verset 10, j'entrais et j'ai regardé, et voici, il y avait toutes sortes de figures, des reptiles et des bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël. Donc toutes les idoles étaient représentées. Là-bas. Vous allez dans ces abominations-là, vous voyez, on a dessiné quelqu'un qui a dit l'archange Michael en haut avec les couteaux comme ça. On dessine des gens là-bas qui sont comme ça. On dessine partout, tout autour de nous. On dit, waouh, ça c'est l'œuvre médiévale. Ça c'est l'œuvre de Vinci. Waouh, il y a des figures au mur. On monte, les gens sont contents. Ils ne savent pas là où ils vont. Allons-y, continuons seulement. Peinte sur la muraille, tout autour. Verset 11. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, s'étaient nés devant ses idoles, chacun l'encensoir à la main et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Donc Dieu leur a montré, Dieu lui a montré clairement que celui-ci, en jeûnant, parle de Dieu, la nuit va se diffondre. Voilà donc ce qu'ils font dans le monde des ténèbres. Verset 12. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, plein de fugue, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. C'est un sacré. Donc tout ce que tu fais dans le cycle, le coucher, frère, même si vous ne sentez pas la sensation, remarquez, ceci ne peut pas imaginer que Dieu allait montrer ça à quelqu'un. Ceci ne pouvait pas imaginer que Dieu allait montrer cela à quelqu'un. Et par conséquent, il peut faire le truc tranquillement. Il sort le matin, il porte la soutane. Il marche là. Pas tant que le Seigneur Christ l'a appelé hypocrite. Il m'honore de lèvres, mais c'est le commandement qu'ils observent, c'est le commandement d'homme. Maintenant, ils sont devant les hommes comme ça, en pleine journée. On les respecte. Mais Dieu connaît sa vraie nature, ce qu'ils pratiquent dans les ténèbres. Il dit, ceux-là disent que Dieu ne voit pas. Et les gens disent aujourd'hui, si Dieu voit, pourquoi il ne frappe pas? Dieu, pourquoi tu ne frappes pas? Pourquoi Dieu laisse agir? Et Dieu laisse agir pour qu'on prenne conscience. Prions pour notre pays. Je ne voulais pas parler en parabole seulement concernant le pays, avant de voir si le Seigneur a quelque chose pour nous ce soir. Mais en disant ces choses, vous devez voir chacun dans vos maisons. Que vous voyez que vous habitez dans une maison où il y a quelqu'un qui est chez l'église catholique et qui construit des hôtels pour mettre des gens dans une maison, sachez que votre maison est sous le coup de l'abomination devant Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que vous habitez chez quelqu'un ou bien avec quelqu'un qui a fait un hôtel où il a mis la Lacan Michel, une statue dans laquelle il vient s'adorer. C'est terrible. Continuons. Verset 12, et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel abandonne le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Donc ce n'est pas terminé. Verset suivant 14. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel. Du côté, dans l'entrée de la porte de la maison de qui? Dans le temple qu'on avait conçu au Dieu d'Israël. Mais écoutez ce que les enfants. Du côté de septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient en rouge. Vous entendez ça, frère? Donc les gens viennent au temple. Ils s'asseyent. Mais ils sont là pour supplier d'autres divinités. Vous voyez que les esprits, le temps change, passe, mais les esprits ne changent pas. Pas vrai? Aujourd'hui, ils ont connu sous le nom maintenant le groupe des femmes de la Sainte Cœur de Marie. Ces saintes servantes de Marie portent le blanc, mais sortent des divinités. Camus est changé maintenant à une autre divinité, avec un autre nom. Maintenant, comprenons. Et il me dit, vois-tu ces fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Donc, jusque-là, c'est pas encore très grand. Et il me conduisit dans le parvis intérieur. Ça, c'était à l'extérieur. Intérieur. Ah, bon, c'est quand même terrible. De la maison de l'Éternel, et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et il s'est prosterné à l'Orient devant le soleil. Et vous regardez littéralement ce qu'il leur avait interdit. Si vous lisez Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 19. Que lorsque vous serez entré, faites attention de peur que vous livrez à ces choses-là en vous tournant les regards vers les cieux, vous prosternez à la main du ciel et vous voulez voir un culte. Dieu leur avait interdit ça et c'est ce qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas où j'ai vu cela, quelqu'un posait la question à. C'est un être humain qui posait la question à un pasteur que montre-moi où dans le Nouveau Testament où l'homosexualité est interdite. Donc c'est sûr que dans leur assemblée, comme ils se voient, vous savez qu'on peut balancer n'importe quoi les musulmans font avec les chrétiens, les musulmans là-bas, en disant qu'il n'y a aucun verset qui dit que Jésus-Christ est Dieu. En disant que les musulmans, captent ça, il peut aussi dire qu'il n'y a aucun verset qui dit qu'il est Dieu, parce qu'il a confiance à son imam, que l'imam a dit ça. Donc quand il lui dit cela, il dit à poster que montre-moi où c'est interdit. Le pasteur lui-même n'a pas pu montrer où c'est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ condamne l'homosexualité. Donc il veut dire par exemple que dans l'Ancien Testament, Dieu condamne l'homosexualité, en tout cas il a changé d'avis. Est-ce qu'il veut dire pas vrai? Les abominations qui s'est fait. Donc ce que Dieu interdit, c'est ce que les gens font. Regardez ce qu'il écrit. Entre le portique et l'autel, 25 hommes tournant le dos au temple, se prosternant à l'Orient pour adorer le soleil. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'être humain? adorant quoi? Le soleil. Vous pouvez le voir en plein rue, chaque fois maintenant, il se tourne vers l'Orient. N'importe comment il se tourne vers l'Orient, mais là où le soleil levant. Se prosterne n'importe où. On dit qu'on regarde la direction du Kaaba. Maintenant, continuons ici. Ah, maintenant, verset 17. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. Moi aussi, j'agirai avec fureur. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde quand ils crieront à haute voix à mes oreilles. Je ne les écouterai pas. Qui a parlé? Quand Dieu a dit comme ça, et que tu es dans son collimateur, il n'y a pas d'endroit où tu puisses aller te cacher. Parce que c'est derrière lui qui est derrière toi. Tu ne peux pas fuir. Alors, dans ce contexte, donc, allons lire le chapitre 9. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous. C'est l'esprit qui a crié à Ézéchiel. Il entend. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici six hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de Septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Il vint se placer près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et elle se dirigea vers le seuil de la maison, et il appela l'homme vêtu de fin de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Yerushalayim, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Souligné. Vous y êtes. Nous sommes au verset combien? Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Souvenez-vous, on parle comme ça du peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui connaît la lettre. Donc, quand le dernier va venir, il dit, oh, éternel Dieu d'Israël, tu es où? Ils vont dire, éternel Dieu d'Israël, avec leur bouche, mais c'est le moment des jugements. Regardez bien. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Soulignez. Vous comprenez pourquoi il faut servir Dieu avec intégrité? Vous comprenez pourquoi il faut servir Dieu avec intégrité? L'expérience de tous ceux qui s'appellent riches, qui, à un moment donné ou à un autre, tombent dans l'oubliette. La majorité d'entre eux, les ministres, sont en prison, je ne dis pas vrai. Ceux que jadis, on les adorait, maintenant se trouvent, s'il faille tronquer leur place, ils aimeraient être à votre place maintenant. Nous sommes d'accord? Ceux qui sont encore avec de l'argent n'ont pas encore compris la leçon. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est que quand Dieu a arrêté quelque chose contre toi, il n'y a pas de solution. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est servir Dieu avec intégrité. L'expérience de la Bible nous a montré que quand bien même il y a des difficultés, nous avons vu une fois ici le cas d'Isaac qui était dans un pays et la famille a souvenu ce pays. Et c'est Dieu qui avait appelé la famille dans le pays. Il voulait aller en Israël, enfin en Égypte. Dieu lui a dit que ne bouge pas, reste ici à Guéra, je vais te bénir dans ce pays-ci. La Bible déclare que c'est moi cette année-là, il récoltait au centuple. Nous avons vu comment ses serviteurs creusaient les puits. Chaque fois, il y avait de l'eau, pas vrai? Malgré qu'il y avait la sécheresse. Alors, Dieu est avec ceux qui le craignent. La Bible déclare qu'il veille sur ses serviteurs. Et en réalité, c'est lorsqu'on entre dans ce genre de passage, comme on a dit dans Ézéchiel chapitre 8 et 9, que nous comprenons la main protectrice de Dieu, comment c'est ça, ce qui se passe en arrière-plan. Ce qui se passe en arrière-plan, c'est donc ce que lorsque les catastrophes doivent venir, par exemple, tu quittes comme ça, en quittant la maison, tu quittes, tu ne sais pas ce qui se passe. On ne parle de quelqu'un ne te parle pas directement que tu vas là-bas, que tu pars en venant, qu'on a rasé la maison, on a brûlé la maison. On est venu tuer tout le monde, tu viens seulement, tu atterris, tu dis, mais j'étais ici, je suis parti. Tu ne sais pas qu'on a été guidé, sans que tu n'entends de voix. Qu'est-ce qui s'est passé dans le spirituel? On a mis les marques sur tous ceux qui n'ont pas été détruits. Et on a dit ici que c'est ceux-là qui soupirent devant Dieu en voyant les abominations qui se commettent. Si quelqu'un se plaisante en disant que oh, c'est leur problème, tu es complice. C'est pour ça que Romains chapitre 1 nous dit là-bas que bien que connaissant que Dieu traite durement ceux qui commettent des choses, non seulement ils le font, mais ils sont complices. J'entends quelqu'un aujourd'hui qui dit qu'il fait son travail, il dit que je suis avocat des lesbiennes. Il veut défendre les lesbiennes. Donc tu es coupable, on démontre par les preuves que c'est la loi fondamentale des Nations Unies, des droits de l'homme dit que chacun est libre de faire de son vie. Dieu n'a pas dit que tu es libre, parce que personne n'a créé ce corps-là, pas vrai? Donc tu n'es pas libre de tuer ton corps. De la même façon que comme personne n'est libre de tuer la terre. Si Dieu va aller jusqu'à détruire ceux qui détruisent la terre, alors comme plus fort raison, ceux qui vont détruire son corps, lui, qu'il a créé. Je ne sais pas si vous me saisissez, frère. Alors regardez ce qu'il dit ici. Il dit, Dieu donc a dit aux six hommes qui étaient derrière de passer dans la ville, après que celui-là ait marqué le sceau. Remarquez très bien que la personne qui a marqué le sceau est différente de toutes les autres personnes. On a donné sa description. Et les autres ont été décrits comme les hommes, parce qu'ils avaient la forme des hommes, mais celui-ci avait une description particulière. C'est il marque les gens des sceaux. Quand il marque les gens des sceaux, ça veut dire que propriété privée du Dieu très haut. Propriété privée du Dieu très haut. Maintenant, je dis, prions pour le pays. Prions pour le pays. Et lorsqu'il dit, je dis, regardez bien ce qui se passe. Il y a l'injustice par-ci, il y a ceci par-là. C'est pour donner l'orientation tout simplement pour que vous sachiez comment prier. On peut voir tout simplement que le Seigneur protège notre pays. Il protège de quoi? Parce que si c'est le besoin de jugement, il va frapper. Il est digne de frapper. Notre pays est digne de frapper. Mais c'est au niveau de l'intercession d'Abraham. Dans Genèse au chapitre 18. Quand il a commencé à intercéder, il a dit que peut-être il y a les justes là-dedans. Dieu dit clairement qu'il ne peut pas frapper le pays à cause de ces justes qui est là-bas. Ouais, c'est là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait dans ses Genèse? Il a épargné celui qu'il a considéré comme juste. Il a fait sortir l'autre au moment. Les gens, ils continuent à vivre leur vie comme ils vivaient, pas vrai? Le moment est arrivé, le jugement est entré en scène. Alors, les gens sont dans le monde comme ça. Vous qui suivez la télévision, vous voyez les débats politiques, où les gens disent n'importe quoi, que ceci. Ils ne savent pas ce qui se passe en arrière-plan. Vous pouvez parler de complicité, si, pour complicité tel ou tel pays, mais le problème, c'est qu'il va utiliser quelqu'un pour frapper quelqu'un. Il va utiliser quelqu'un pour frapper quelqu'un. C'est différent du jugement qui va commencer. Quand le grand jugement va commencer sur la terre où les choses vont sortir, le feu va sortir, c'est frapper là. C'est jugement. Mais maintenant, il utilise l'homme pour frapper l'homme. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors, la Bible nous fait comprendre que tous ceux qui sont décédés, Dieu met un marque sur eux pour les épargner. Priant pour le pays, en disant que Seigneur épargne notre pays parce que il y a la fornication. Tout ce que vous pouvez citer, les vices, l'injustice, sachant que s'il veut frapper l'injustice, il va frapper ceux qui commettent autre péché. Et par conséquent, tu n'as pas te retrouver dans ce cas-là. Parce que ceux qui soupiraient à cause des abominations, comme on a vu ici, là, ceux qui soupiraient, s'ils soupiraient comme ça, ils vivaient dans d'autres abominations. Abomination, c'est abomination. Ils devaient les frapper eux aussi. Mais ceux-ci étaient des gens qui regardaient ces choses, ça s'est passé, ils ne voulaient pas entrer là-dedans. Ils voyaient que la solution, c'est d'aller dans le secret avec Dieu. N'est-ce pas, frère? Remarquez que la situation nous est présentée, c'est pour montrer effectivement que quand les hommes se livrent au péché dehors, le problème est d'ordre spirituel. Nous sommes d'accord? Ézéchiel se trouve à Juda, on le transporte à Jérusalem. Il part, il voit les gens qui se tiennent dans les lieux secrets avec les encensoirs. Donc la mise en pratique des gens, c'est pour ça que tu veux venir présager dans la tête jusqu'à essayer de fouiller le camp. Parce qu'ils savent ce qu'ils font dans le secret. Donc le problème, comme vous voyez les gens liés là, c'est à cause des alliances qui se trouvent dans les ténèbres. Il faut que Dieu livre le spectacle de ce qui se passe dans les ténèbres pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Donc, les prêtres catholiques, ouais, tous ceux qui se présentent devant les idoles comme ça, ces manifestations physiques-là, en ayant le nom religieux, ils savent ce qu'ils font dans les ténèbres. Ils amènent souvent les gens à l'idolâtrie parce qu'ils ont une mission, amener les gens à l'idolâtrie. On dit l'encensoir en main. Donc, ils font comme ça, là, la fumée sort, la fumée monte. On ne peut pas voir un chrétien faire de telles choses. C'est la sorcellerie, tout simplement. Pas vrai? Et on fait ça aujourd'hui devant les grands de la terre, tout le monde s'assoit, après ils sont contents, ils rentrent. Donc ils ont trouvé des manières d'agir en plein jour, en pratiquant les ténèbres en plein jour. sous la dénomination chrétienne, en estampillant chrétien. Disons, continuons. Il commençait par mon sanctuaire. Vous y êtes. Il commençait par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez de mort les pavés. Sortez. Il sortit et il frappait dans la ville. Comme il frappait et que je restais encore, je tombais sur ma face et je me criais, ah, Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres, virgule. La ville est pleine d'injustices, virgule. Car ils disent, l'éternel a abandonné le pays, l'éternel ne voit rien. J'espère que vous comprenez. Vous voyez, c'est les choses à cause desquelles il a frappé Israël. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Moi aussi, je serai sans pitié, je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écriture à la ceinture, rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. L'homme qui avait la ceinture, était vêtu de lin, avec l'écriture sur la ceinture, fit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. C'est pour dire, Seigneur, tu peux passer à l'action. Fermez la Bible. Il faut prier pour le Cameroun. Il faut prier pour le Cameroun. Vous ne priez pas. Le prophète a dit que le bien-être du pays dépend, ton bien-être dépend de celui de ton pays. Si on a dit qu'on bloque la queue, état d'urgence dans les provinces sud, sud-ouest, nord-ouest, littoral, que personne ne sort entre 20h et 18h. 20h, 18h, personne ne sortira. Y compris toi. Si on bloque le nord-ouest et l'ouest, on dit que les vivres ne viendront pas à Douala. On va attendre la tomate ici à Sanaga. Ça ne va pas monter. Une tomate va coûter 1000 francs. Dire que quand c'est 5 qui coûte 500, tu as des difficultés. Alors, frère, quand vous allez sortir ici dès demain, cherchez les tapioca et les sucres, gardez à la maison. Achetez des riz, gardez à la maison. D'accord, frère? Vous suivez l'instruction que je vous avais donnée quand nous sommes réunis de l'autre côté, n'est-ce pas? Agissez ainsi, gardez et observons ce que Dieu va faire. Donc, continuez à prier jusqu'à ce que vous, pour voir ce qu'il va. Le ciel là, c'est pas bon. C'est pas bon. Par-dessus tout, vivons dans la sainteté. Vivons dans la crainte du Seigneur. Sachant que si quelqu'un tombe, qu'on chante plutôt le cantique parce qu'il a achevé la course. Vivez une vie droite. Personne n'est épargné. En ce qui concerne, je parle en ce qui concerne le Cameroun. Que quelqu'un soit à l'extérieur, ce n'est pas la solution. Parce que souvenez-vous, quand on parle d'Israël, on parle d'Israël. Enfin, quand vous allez lire le livre de Jérémie, vous allez voir. Il a dit que ceux qui vont aller en famine, ceux qui vont fuir aller dans le pays, il va les amener en captivité. Donc, il n'y a personne. Ceux qui vont se cacher dans les champs, c'est les lions qui vont manger. Vous restez dans la ville, vous allez dévorer par l'épée et la famine. Donc, là, il n'y a pas. Si tu es Israël, quelque part, tu parles à la brousse, il dit au lion qu'il ne se cache pas là-bas. Le lion vient et te mange. Donc, il n'y a pas d'endroit pour se cacher. Ça, c'est pour Israël. Le Cameroun est un îlot de paix. Comment un pays peut être un îlot de paix sans le prince de paix? Comment? Donc, ça veut dire, cette phrase-là, que le Cameroun est une bombe à retardement. On ne peut pas construire la paix sans Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas construire la paix dans un pays sans Jésus. Il est le prince de paix. Dans le psaume 2e, il dit au roi de la terre, baisez le fils de paix qui ne s'irrite. Vous entendez cela? Il dit que taisez-vous, parlez dans votre couche et taisez-vous. Donc il n'y a pas de construction. Allons dans Acte chapitre 3, la voyons cela rapidement là. Acte des Apôtres chapitre 3. Acte, prenons chapitre 2 d'abord. Notez les versets 22. À 37. Notez cela. Notez le chapitre 3. Verset 12. à 23. Vous avez noté, frère? Chapitre 10, noté. Notez verset 34 à 37. Mais regardez le verset 35 de cette liste là. Regardez. Le chapitre 10 là. Vous y êtes. Chapitre 35 dit, chapitre 34 dit. Chapitre 10, verset 34, dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception des personnes, mais quand toute nation, écoutez très attentivement, quand toute nation, y compris le Cameroun, pas vrai, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. » C'est ça. Vous pouvez lire également ça dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Notez Éphésiens chapitre 2, verset 13. Éphésiens le chapitre 2, verset 13 et suivant. On y va. Regardez verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Vous avez ça, frère? Car il est notre paix. On dit qu'il est notre paix. Vous avez vu, frère? Car il est notre paix. Dans Jean chapitre 16, verset 33, parlant à ses disciples, il dit qu'il vous laisse, je vous laisse ma paix. Je ne vous la laisse pas comme le monde là. Dans le monde, ce que le monde appelle paix ne peut pas être la paix que Dieu nous parle. Alors le Seigneur Jésus-Christ dit que la Bible déclare qu'il est le prince de paix. Et c'est le prince de paix justement qu'on a rejeté. Comment pouvez-vous être stable? Comment est-ce qu'on peut s'en sortir sans le prince de paix? Donc, le Cameroun, la phrase, le Cameroun est un îlot de paix, veut dire devant Dieu lui. Que sous votre île dont vous parlez, vous savez, îlot, ça veut dire que c'est une petite portion de terre sur laquelle c'est entouré de l'eau. Vous pouvez avoir des choses tout autour, mais ça ne touche pas celui-là. Ça veut dire qu'au-dessous, c'est le magma. Donc, ça veut dire qu'il y aura de l'éruption à tout moment qu'il y a fissure. C'est ça. Prions pour le pays. Prions pour le pays que Dieu tourne le cœur de tout ce qui lui appartient et que sa miséricorde s'exerce là-dedans. Que le Seigneur vous bénisse.